bye bye. Chic ta peur, t'es mon bébé, n'aie pas peur. Chic ta peur, t'es mon bébé, n'aie pas peur. Emmène, emmène, emmène-moi là-bas. Emmène-moi loin de là. Je veux me détendre avec toi, les autres sont pas taille. Non, ils ont pas ta place. Calme. Là, je te parle, c'est les vrais bails. J'veux pas la guerre, je veux les pétales. Comment tu doutais? Y'a toi qui me fais ça, tu sais. Bébé, je goûte cher, cher. Normal qu'on vienne me chercher. Ah bébé, je vous cherche, cher. Non, ils vont pas tout gâcher. Shake ta peur, t'es mon bébé, n'aie pas peur. Percaté de que estaba mirándome a mí. Estaba en Milano la primera vez que la vi. Por ti tuve que bloquear a las demás que le di. Las amigas dicen que ella no me va a corregir. Shake ta peur, de mon bébé, n'aie pas peur. ¿Por qué temer? Si tú eres mi baby, yo estoy pa' usted. Te prends pour, ok. Quitte de là, toi aussi. J'ai dit que j'voulais pas te voir, ah mais sans rien faire, tu me donnes chaud. Faut pas m'écouter, baby. Des fois j'dis beaucoup de bêtises. Tous ces gars qui m'ont jacté, j'les ai barrés depuis. Baby, j'goûte cher, cher, cher. Normal qu'on vienne me chercher. Ah bébé, je vous cherche. Non, ils vont pas tout gâcher. Shake ta peur, t'es mon bébé, n'aie pas peur.